Do. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Do, re, mi, fa. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do, re, mi, fa, sol, la, si. Ça bloque, hein, maman. J'ai entendu, mais j'étais pas concentré. J'étais au téléphone. J'ai entendu que tu as fait la la la la la bla bla bla bla bla bla bla bla bla. Oh wow, premier. Hello. Thank you. N'abuse pas du passif. C'est mal. Oh my god, I have to go too. Thank you. Mm-hmm.